première élection législative. C'est l'Imprimerie nationale à Paris qui est chargée en 1791 de la publication de la Constitution française. Présentée au roi le 3 septembre 1791 et acceptée par Sa Majesté le 14 du même mois. Ça, c'est le sous-titre. Avec, en frontispice, un portrait de Louis XVI, roi des Français, coiffé du bonnet de la liberté, on dirait bonnet phrygien. Il n'est pas à son avantage. Tous les Français peuvent voter. Aïe, non, c'est pas si simple. Les femmes, déjà, et puis tous ceux qui ne peuvent pas, le suffrage est censitaire. 1791, des élections législatives qui ont du sens. Vive les patriotes! Fidélité à l'Assemblée! Fidélité aux députés! Fidélité à l'Assemblée! Je jure fidélité à l'Assemblée nationale! Pour nous défendre, il faut faire alliance. Comme l'eau et la terre. Fidélité à la nation! Vive la liberté! Vive la loi! Ah, ça ira, fidélité à l'Assemblée nationale. C'est dans le film Un peuple et son roi, le film de Pierre Scholler en 2017. Bonjour Hervé Levers. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université de Lille et nous allons tous ensemble discuter de cette révolution parce qu'avec nous aujourd'hui Dominique Godino, bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire moderne à l'université Rennes 2 et Anne de Matan, bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire moderne à l'université de Caen Normandie. On parle de 1791, les législatives. Avant la révolution, l'idée même de vote, d'élection, c'est pas quelque chose tel que nous le concevons aujourd'hui, bien sûr. C'est pas 100% étranger non plus aux Françaises et aux Français. On peut le dire déjà, hein. Anne de Matan, on savait ce qu'était une élection. Oui, la société d'Ancien Régime pratique des élections dans des institutions, en revanche, qui n'ont rien de national. Hein, donc, ça peut être dans des assemblées de notables, ça peut être parfois dans les corps municipaux. Voilà, donc le principe électif n'est pas absent. En revanche, il n'est pas généralisé comme il le sera pendant la Révolution française. Voilà, donc ça c'est déjà un apport de la Révolution, c'est cet aspect national. Mais avant 1791, il y a les États généraux, là aussi on a une forme d'élection et qui a un aspect national. Hervé Levers. Oui, tout à fait. Alors les États généraux n'avaient plus été réunis depuis 1614, c'est une vieille institution de la monarchie qui était née à la fin du Moyen-Âge. On les convoque à nouveau en 1789, mais là c'est l'ensemble des Français divisés en ordres qui sont représentés dans ces états généraux. Avec une nouveauté par rapport à 1614, c'est que le tiers-état a droit à une représentation double, si bien que dans les états généraux qui sont réunis en mai 1789 et qui se retrouvent à Versailles, il y a moitié de représentants des deux ordres privilégiés, moitié de représentants du tiers-état, sans qu'on ait décidé à ce moment-là, au moment de la réunion, si le vote allait se pratiquer par ordre, une voix chacun, donc deux voix pour les privilégiés, une voix pour le tiers, ou par tête, ce qui équilibrerait les voix. Ah bah oui, alors là c'est la question majeure de ce mois de juin 1789, hein, savoir si, alors une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé, bon ils vont se réunir, ça fait deux, et puis une voix pour le tiers-état est sûr de perdre, ou une voix par individu, et là ça change complètement. C'est vraiment passionnant hein, de voir que le sujet électoral surgit au cœur de la Révolution, on peut dire ça. Dominique Godino, c'est quelque chose qui nous transporte sur la Révolution, toujours avec cette idée d'élection, d'élection, on voit bien que ça existait avant, que le propos autour de l'élection, c'est quelque chose qui est dans les discours. Ah ben oui, bien sûr, hein, puisque enfin, si vous parlez de 1789, hein, ces élections aux États généraux, c'est un moment de très grande effervescence, hein, parce que les élections se font en assemblée, enfin elles sont à plusieurs degrés, mais au premier degré c'est en assemblée paroissiale, villageoise, et qui réunit donc, alors pas tous les Français, mais quand même un grand nombre, dont des femmes hein, d'ailleurs, et voilà, tout le monde en discute, c'est un moment, et puis c'est le moment aussi où on rédige les cahiers doléances. Hein. Donc, toute la France est transportée dans l'attente, en effervescence, dans l'espoir aussi, dans l'espérance. Hein, ce qui n'est pas le cas dans toutes les élections, mais là, c'est le cas. Dominique Gobineau, vous êtes l'autrice des femmes dans la France moderne, 16e, 18e siècle. Vous venez d'évoquer les femmes 1789. On est d'accord, dans les députés des États généraux, il n'y a pas de femmes. Ah, aucune. Mmh. Aucune. Hein. Aucune. Mais en revanche, dans les... Alors, les élections dans le tiers-État se font à plusieurs degrés. Et au premier degré, dans les assemblées donc, de village, hein, peuvent voter ce qu'on appelle les chefs de feu, c'est-à-dire de foyer fiscal. Donc, rien n'interdit à ce que des femmes, veuves ou célibataires majeures puissent voter. Le fait est, c'est qu'on a des procès-verbaux qui sont signés par quelques femmes. C'est pas majoritaire, hein, ça dépend des endroits, mais enfin on sait qu'il y a des endroits où des veuves ont pu voter, j'en sais rien, mais au moins participer à, aux assemblées électorales hein, de 1789. Pour les États généraux, pour élire les députés, qui vote? Alors on l'entend, hein, il peut éventuellement y avoir quelques femmes, des chefs de foyer, mais c'est-à-dire que tout le monde est concerné? Alors, en théorie, oui, tout le monde est concerné, mais selon des modalités extrêmement différentes, puisque la règle de l'Ancien Régime, c'est l'inégalité. Hein. Donc, par exemple, dans le tiers-État, les modalités de vote sont différentes selon qu'on habite à la ville ou à la campagne. À la ville, les élections se passent dans le cadre des corps de ville. À la campagne, ça se passe dans le cadre de la communauté villageoise, avec un ratio électeur, enfin, ou corps électoral électeur qui est moins favorable qu'en ville. Dans la noblesse, tous les chefs de feu participent à l'élection. Hein. Tous les hommes participent à l'assemblée de la noblesse. C'est également très différent dans le tiers-état. Hein. Donc, en théorie, tous les Français peuvent, majeurs, peuvent prendre part à ces opérations électorales, mais selon la plus grande diversité. Voilà, c'est cette diversité et, moi j'ai envie de dire, cette rapidité aussi dans les événements, parce que cette assemblée réunie par le roi, au moment du serment du jeu de paume, se transforme en quelque chose d'autre, Hervé Levers. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors effectivement, les débats sont assez denses, mais assez lents finalement, le premier mois de ces états généraux. Pendant un mois, on discute essentiellement de la manière dont ces états généraux pourront fonctionner. Et la situation se dénoue le 17 juin 1789, lorsque les députés décident de se transformer en Assemblée nationale. Alors tous ne prennent pas cette décision. Ce sont essentiellement les députés qui se disent des communes, autrement dit l'ancien tiers-État, plus quelques prêtres qui les ont rejoints. Et le 17 juin, en se transformant en Assemblée nationale, ils assurent représenter l'essentiel de la nation. On parle à ce moment-là d'un transfert théorique de la souveraineté du roi à la nation. En fait, c'est un transfert qui va prendre plusieurs semaines, puisque le roi va continuer à légiférer, notamment au début de l'été. Et vous aurez à ce moment-là un conflit de souveraineté qui va se dénouer en l'espace de quelques semaines. L'espace de quelques semaines suffit à changer vraiment le visage de notre pays. Et puis, l'idée même de la participation. Là, nous sommes sur ces premiers moments de la Révolution française. On en est où de l'idée de faire participer les gens? Parce qu'il y a cette recherche d'une constitution, mais il faut savoir ce qu'on va mettre dedans. C'est quoi la tenue des débats, ou en tout cas, ce qu'ils envisagent pour faire participer les gens? Quel corps électoral? Hervé Levers. La question de la citoyenneté, telle qu'elle va être définie, va se préciser dès l'automne 1789. C'est à ce moment-là qu'on va mettre en place une distinction entre des citoyens qu'on va qualifier d'actifs, selon la formule de Sieyès, et d'autres qui sont non-actifs ou passifs. Et dans ces deux catégories, on retrouve des personnes qui ne sont pas de même nature. Alors, tous les citoyens sont français. Il y a des citoyens, il y a des citoyennes. Dominique Gobineau pourra en parler mieux que moi. Mais les citoyens actifs, ça va être les hommes de plus de 25 ans qui payent un impôt direct d'au moins 3 journées de travail évaluées localement. Et ces personnes-là vont être admises dans la garde nationale et vont être admises aussi au vote. Les autres citoyens, les citoyens non actifs, c'est-à-dire les moins de 25 ans, les femmes, les plus de 25 ans qui sont domestiques ou bien qui sont aussi fils de famille, c'est-à-dire les hommes majeurs qui vivent encore chez leurs parents, ceux-là ne peuvent pas voter. Bon, il y a également des personnes qui sont privées de leur droit de vote temporairement, les personnes par exemple qui sont mises en accusation, ou bien les personnes qui sont en faillite tant qu'elles n'ont pas remboursé les dettes qui étaient les leurs. Dominique Godinot, oui, les femmes sont citoyennes, bah voilà, c'est formidable. Mais alors, la question du vote, ça c'est autre chose. Oui, enfin, c'est autre chose pour nous, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsque les débats se sont portés à l'Assemblée, donc la toute jeune Assemblée, pour savoir qui aurait le droit de vote, qui serait citoyen, de nombreux cas ont été envisagés. Les femmes ne sont pas les seules exclues, hein, comme ça vient d'être dit. Les exclus ont toujours trouvé des défenseurs, que ce soit les libres de couleur, les pauvres, bon voilà, les juifs, etc. Les femmes, rien. C'est-à-dire, on n'en a pas parlé une seule seconde. La question n'a pas été abordée tellement ça semblait évident à tous. Hein. C'était de l'ordre de l'évidence. Il n'y avait même pas besoin d'en parler. Alors, de l'évidence aussi, parce qu'il faut bien recontextualiser, hein, c'est partout, en tout cas dans le monde occidental, dans les pays où l'on vote, les femmes ne votent pas. Voilà. Donc, c'est pas propre à la France. Voilà. Donc, à l'Assemblée, rien du tout, ce qui est quand même incroyable, mais quelques écrits quand même à l'extérieur de l'Assemblée pour dire, ils sont très peu nombreux, hein, quelques écrits d'hommes et de femmes, on peut les compter sur les doigts de deux mains, on va dire, mais pour indiquer que les principes voudraient que les femmes puissent également voter. Normalement. Normalement. Dans la logique. Dans la logique des principes. Anne de Matan, c'est sur ce moment du débat autour de savoir qui va pouvoir voter. Alors, il y a d'autres formes d'exclusion que je voudrais préciser. À la suite des femmes, il y a aussi un certain nombre de minorités, minorités raciales ou religieuses, puisque les libres de couleur, Dominique Godinot vient de le préciser, ne sont pas admis au vote en 1789. Ça va faire l'objet d'extrêmement vifs débats. Alors, les esclaves, évidemment, c'est impossible d'imaginer que ceux-ci puissent obtenir la citoyenneté. Mais les hommes libres de couleur finissent par obtenir la citoyenneté par un décret du 15 mai 1791, mais qui va être révoqué en septembre. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas de soi. Et par ailleurs, les juifs de France n'ont pas le droit de vote jusqu'au 27 septembre 1791. Donc, ils ne participent pas ni aux élections de 89, ni aux opérations électorales de la législative en 91. Ah oui, c'est ça, hein. Beaucoup, beaucoup d'exclus, parce que nous sommes dans cette période où l'Assemblée est en charge de rédiger une constitution. C'est ça hein, qui nous intéresse, et pour aboutir en 1791 à ces élections législatives. Malgré tout, dans tout ce que nous disons sur l'idée de qui peut voter ou ne pas voter, j'imagine qu'il y a des oppositions très nettes dans ce monde-là. Qui porte tous ces débats? Ce sont des individus qui les portent? Ce sont des groupes d'individus? Des individus d'abord, puisque la vie politique et l'engagement politique, dans le cadre des assemblées, est assumé à l'époque comme quelque chose d'individuel. On se bat avant tout pour l'intérêt général, et se regrouper derrière un homme, on appelle ça former une faction, par référence à l'Antiquité, et c'est quelque chose qui est soupçonné comme étant intéressé par la plupart des contemporains. Si bien que les hommes qui vont s'engager, alors on peut quand même les regrouper dans un groupe, ce sont notamment des démocrates, si l'on veut, je pense notamment à l'abbé Grégoire, je pense à Robespierre, qui vont très tôt s'élever contre une nouvelle aristocratie, disent-ils, l'aristocratie des riches. Et ce qu'ils mettent en évidence, c'est que cette assemblée qui a été élue par les Français sans condition de sens, il suffisait de payer un impôt direct quel qu'il soit, eh bien, pour certains d'entre eux, vont être privés par l'assemblée qu'ils ont élue de leur droit de vote. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable pour eux. Et ces hommes qui sont à la gauche de l'Assemblée, les Pétion, les Corollaires, les abbés Grégoire, les Robespierre, vont se battre pendant toute l'Assemblée constituante, c'est-à-dire jusqu'en septembre 1791, pour faire sauter de cette digue et permettre à tous les hommes majeurs d'accéder librement à la garde nationale et de voter librement, sans l'emporter. Oui, sans l'emporter, avec un élément que vous venez de dire et qui est complexe, qui concerne aussi les candidats, parce que il n'y a pas de parti politique encore, bien entendu. On entend beaucoup parler de clubs sous la Révolution, mais le candidat lui-même, qui devient candidat, qui va essayer de glaner des suffrages? Comment ça s'organise tout ça? sont des individus là aussi ? Dans les assemblées électorales où sont désignés les responsables administratifs, hein, il y a une élection des responsables des départements au mois de juillet, responsables de district au mois de juillet 1790 également. On va élire les juges en octobre 1790. Toutes ces premières élections par les électeurs au second degré s'opèrent dans des assemblées électorales. Et là, il n'y a pas véritablement de candidature. Être candidat, c'est se discréditer, c'est montrer son ambition, c'est montrer une absence de vertu civique, et c'est quelque chose qui peut être susceptible de décourager les électeurs. En fait, les assemblées électorales vont choisir assez souvent en leur sein des personnes qui vont désigner aux responsabilités administratives, judiciaires et bientôt aux responsabilités politiques. Et on choisit ces personnes sur l'image qu'elles ont. Alors, ça ne veut pas dire qu'en sous-main, il n'y a pas peut-être des propos à l'intérieur de l'Assemblée. On tape du coup de son voisin et on dit « bah moi, j'irai peut-être bien » ou « je suis prêt à y aller ». Ça, on ne sait pas exactement ce qui s'y passe. Il y a des noms qui circulent en tout cas assez vite et c'est parmi ces noms que sont choisis les différents responsables. Et aux élections de 1791, ça va être un peu comme ça que ça va se passer aussi. Et à l'inverse, on trouve aussi dans les archives, hein, des cas de personnes élues à des postes locaux, hein, qui refusent. Parce qu'on a voté pour eux alors qu'ils ne demandaient rien et ils ne sont pas du tout contents. Hein. C'est vrai que ça, c'est un phénomène qui traverse le temps de la Révolution française et le 19e siècle. On peut voter pour quelqu'un qui n'est pas candidat. Anne de Matan, ce n'est pas exactement tel qu'on le conçoit aujourd'hui, bien sûr, hein, où il y a des candidats portés par des partis. Là, on n'est pas du tout dans cette construction-là du monde politique. Non, non. En fait, les candidatures sont purement et simplement interdites. Hein, on n'a pas le droit de se présenter candidat et ça ne se fait pas. Les journaux, par exemple, peuvent rédiger des instructions en direction de leurs lecteurs pour les inciter à choisir des gens qui soient vertueux, capables de prioriser l'intérêt général sur les intérêts particuliers, etc. Mais il n'y a jamais de nom qui soit explicitement donné. Et il me semble que ça témoigne, d'une certaine manière peut-être, d'une culture politique naissante, hein, où le débat contradictoire n'est pas encore quelque chose qui est naturel, normal, admis. C'est la raison pour laquelle tout le monde n'est pas du tout favorable à l'idée d'une candidature. Cependant, on a quand même des hommes politiques qui sont favorables à l'idée d'une candidature et à l'idée que l'opinion publique formée devrait être capable d'exercer son choix librement sur des candidatures, et notamment Brissot dans son journal, Brissot le futur député girondin dans son journal Le Patriote français, ou encore un de ses proches qui s'appelle François-Xavier Lantenat se prononce très nettement pour que la pratique de la candidature apparaisse afin de dynamiser le débat politique et de faire en sorte que le choix électoral soit davantage éclairé. Mais parce que vous avez raison dans ce que vous dites, et on l'oublie bien souvent, tout est à inventer. Aujourd'hui, quand on a une élection, dans notre imaginaire, on a toutes les élections passées, mais là, tout est à inventer. C'est aussi cela qui est vraiment stimulant. Dans cette histoire, l'idée d'une élection, c'est de choisir les personnes les plus compétentes pour occuper des fonctions. Est-ce que c'est ça vraiment qui est au cœur de ce système électoral sous la Révolution à ce moment-là ? C'est se dire, comment va-t-on pouvoir trouver les plus compétents ? La notion de compétence a une importance particulièrement pour certaines élections. Et c'est d'ailleurs prévu dans la loi. Par exemple, pour l'élection des juges, l'âge qui est demandé, c'est 30 ans, et on demande également une capacité qui doit être manifestée normalement par 5 années d'exercice comme avocat ou comme magistrat, sauf pour les protestants, où là, s'ils sont gradués en droit, comme ils n'accédaient pas auparavant à la magistrature, s'ils sont gradués en droit ou s'ils ont assuré une fonction dans une administration municipale, ça suffit pour être candidat à ces postes. Pour les postes de nature administrative et politique, là, il n'y a pas de conditions de compétence qui sont exigées. Cela dit, lorsqu'on regarde le choix des électeurs, notamment pour les fonctions administratives, on s'aperçoit qu'ils choisissent des personnes qui ont des compétences de fait, notamment des hommes de loi, qui sont très bien placés dans les résultats. Alors, c'est peut-être parce qu'ils sont disponibles économiquement et qu'ils ont le temps de s'engager, plus que les paysans, par exemple. Mais c'est aussi peut-être un choix qui manifeste un intérêt pour certaines fonctions qui sont jugées peut-être plus aptes pour exercer ces charges administratives. Dans le cadre des fonctions politiques, lorsqu'on regarde la composition socio-professionnelle des assemblées, l'échiquier est assez large. On va y retrouver bien sûr beaucoup d'hommes de loi, notamment en 1791, mais on va y retrouver aussi énormément de rentiers, de paysans, de personnes qui appartiennent à différents secteurs de la société. Et là, on voit que le sens de l'intérêt général peut-être prime sur l'exigence de compétences. Pour ne pas se perdre dans la chronologie révolutionnaire, dites-nous donc, 1789, on l'a bien compris, les états généraux deviennent assemblée nationale. Cette recherche de constitution, elle arrive quand, la constitution? C'est long à écrire une constitution. Alors, le désir de constitution, il arrive avant. Oui, déjà, c'est vrai, vous avez raison de le rappeler. Et oui, il est présent dans les cahiers de doléances, oui. Tout simplement. Hein, donc, l'objectif constitutionnel est absolument prioritaire et c'est ce qui est au cœur du serment du jeu de paume le 20 juin 1791 ou 1789 où les députés du tiers-État rejoints par quelques députés de la noblesse et du tiers-État jurent de ne jamais se séparer tant que la Constitution ne sera pas établie sur des bases solides. Donc, l'objectif numéro un de la Constituante, comme son nom l'indique, c'est donc de rédiger une Constitution. Mais ça met du temps. Mais ça met du temps et les députés travaillent d'arrache-pied parce que c'est une mission énorme et ils mettent près de 2 ans hein, puisque la Constitution est définitivement adoptée en septembre 1791. Septembre 1791. Ah ben oui, mais le temps a passé et la situation a changé. Faut le rappeler, nous sommes toujours en monarchie, bien sûr, une monarchie constitutionnelle, sauf que voilà... En juin, il a tenté de partir. Sire, il y a là deux représentants de la nation qui désirent s'entretenir avec votre majesté. Sire. Le roi. Vous n'irez pas loin. Les intérêts de l'État. À Paris, on s'égorge. Nos femmes, nos enfants, nos mères seront peut-être massacrés. Et moi, monsieur, ne suis-je pas mère, moi aussi? Reine. Sire, nous apportons un décret de l'Assemblée. Où est ce décret? Dans les mains du lieutenant Romeuf, aide de camp du général. Monsieur de Romeuf, je ne l'aurais jamais cru. J'espérais ne pas vous rejoindre, Majesté. Je suis ici pour vous servir. En France, il n'y a plus de roi. La nuit de Varennes, le film d'Ettore Scola en 1982. En juin 1791, le roi Louis XVI tente de quitter la France. C'est la célèbre fuite à Varennes, avec toutes les conséquences que ça a. Hervé Levers, dans la construction d'un futur politique de la France, ces révolutionnaires qui cherchent cette constitution l'imaginent dans un cadre d'une monarchie constitutionnelle. Toujours après la fuite à Varennes, il l'imagine dans ce cadre-là. C'est compliqué quand même, parce que ça veut dire que le roi a une place dans ce monde qui va être confronté à des Français, mais dont il a voulu quitter la compagnie. C'est d'autant plus compliqué que, même si depuis le début de l'année 1791, beaucoup avaient annoncé un possible enlèvement ou une possible fuite du roi, l'événement de la nuit du 20 au 21 juin est un véritable coup de tonnerre et va avoir des conséquences considérables. D'abord par la peur d'une invasion autrichienne, c'est le moment où on va lever en France des volontaires, c'est-à-dire des gardes nationaux, qui vont se faire soldats et être prêts à défendre le pays, parce qu'on se dit que la guerre est peut-être proche. Ensuite, parce que la Constitution était quasiment finie, au début du mois de juin, on a commencé à élire les électeurs au second degré, et normalement, dans les 12 jours suivants, il devait y avoir les assemblées électorales et l'élection des prochains députés, qui devaient normalement être élus au mois de juin. Donc le calendrier est bouleversé, on va devoir revoir la Constitution, après le retour du roi, mais dans un premier temps, juste après l'arrestation du roi et après son retour à Paris. Il rentre à Paris le 25 juin. La question qui se pose, c'est que faire du roi? Et là, il y a un vrai débat qui se pose. Est-ce qu'on doit le destituer? Est-ce qu'on doit mettre en place une régence? Est-ce qu'on doit entrer en République? Est-ce qu'on doit essayer de sauver la Constitution? Il y a là tout un débat qui fait l'originalité de cet été 1791. Oui, parce que les élections sont là, se préparent dans ce contexte très particulier, avec également, un mois après la fuite à Varennes, en juillet, d'autres événements sur le Champ de Mars qui, là aussi, ont tendance à mettre de l'agitation dans un moment qui devrait être consacré au débat, je ne dis pas serein, celui de la préparation électorale. C'est la fusillade du Champ de Mars qui marque profondément les contemporains, qui se déroule donc le 17 juillet 1791. Il y a eu plusieurs pétitions qui ont été rédigées dans les jours précédents, dont une par les Jacobins, une autre par les Cordeliers. C'est celle qui est signée sur ce Champ de Mars, sur l'autel de la Patrie. C'est une pétition qui appelle à l'instauration d'une république en France. Cette manifestation, elle se déroule un dimanche, la foule est nombreuse. Il y a eu le matin un incident assez grave, puisque des personnes ont été saisies sous l'autel de la Patrie. On pensait qu'elles allaient susciter un attentat et elles ont été mises à mort. Il y a eu des rumeurs d'assassinat contre Lafayette également ce jour-là, si bien que la mairie de Paris, Bailly, décide de prononcer la loi martiale qui permet aux soldats de rétablir l'ordre après avoir à trois reprises appelé la foule à se disperser. Et lorsque les gardes nationaux arrivent sur le Champ de Mars, le 17 juillet au soir, bon, il y a là sans doute des jets de pierre, des insultes. Toujours est-il que ces gardes nationaux tirent sur la foule. Et les chiffres qu'on donne à l'époque de personnes décédées sont des chiffres faramineux. Dans la presse, on parle de 400 à 500 morts. Il y en a sans doute une cinquantaine. C'est le summum de cette attente de république de la part de certains. Et en même temps, c'est la première fois où des citoyens tirent sur d'autres citoyens avec une crise immense qui se déclare à ce moment-là, à l'Assemblée, dans les clubs, notamment au club des Jacobins qui se divise. On est à une rupture, tout est possible à la suite du 17 juillet. Anne de Matan, on vient de parler de ces clubs, les Jacobins, les Girondins que vous connaissez très bien parce que vous les avez étudiés et puis vous êtes la directrice de tous ces travaux, enfin, et notamment de mémoire sur la Révolution française, ses enjeux épistémologiques, parce que c'est vraiment cela dont il est question dès qu'on parle de Révolution française. C'est une histoire qui s'écrit sans cesse et qui est très vive dans cette histoire politique et d'élection. Il y a tous ces clubs, les Girondins, les Jacobins. Ils ont la même conception de l'élection, tous ces gens-là. Alors, ce que l'on peut dire à propos des clubs et du moment très particulier de la fusillade du Champ de Mars, je crois qu'il faut expliquer quand même que la fuite du roi à Varennes suscite une flambée de républicanisme. Hein, l'hypothèse républicaine prend corps et ces gens qu'on va appeler ensuite Girondins essayent de profiter du moment, de profiter de l'opportunité pour faire avancer l'hypothèse républicaine. Et on a notamment Brissot, bien évidemment, dans Le Patriote français, mais aussi Condorcet, Penn, qui lance un journal qui s'appelle Le Républicain. Hein, donc le programme est assez net. Et il s'agit donc de conspuer le traître, le roi qui a tenté d'abandonner son royaume. Par exemple, Bonneville, dans La Bouche de Fer, écrit « Il ne nous faut plus de mangeurs d'hommes ». Hein donc voilà, une intense campagne de presse en faveur de l'hypothèse républicaine dans le cadre des cercles futurs Girondins, dans le cadre de la Confédération des Amis de la Vérité, qui est une sorte de forum démocratique qui a été créé l'année précédente, où l'on retrouve des gens comme l'abbé Fauché, comme Bonneville, où l'on diffuse, on cherche à diffuser les préceptes de Rousseau, à faire aimer la Constitution, à donner corps à l'hypothèse républicaine, avec des propositions qui parfois peuvent paraître extrêmement audacieuses. Par exemple, la limitation de la propriété, l'égalisation des conditions par la redistribution des richesses. Donc, on a des propositions qui sont très avancées et qui peuvent rejoindre les Jacobins, puisqu'il ne faut pas oublier qu'en 1791, tous ces gens que l'on va appeler plus tard des Girondins, Brissot, Condorcet notamment, sont des Jacobins. Donc, c'est par la suite que... La scission va s'opérer ultérieurement sous la législature suivante, qui est la Convention. Avec ici, pour être bien clair, une volonté de changer les choses pour tout le monde, hein, mais... Pour certains, c'est plus vers la République, mais que ce soit monarchie constitutionnelle ou République, cela reste une démocratie avec des élections. Hein. C'est ce principe-là aussi qui est bien dans sûr, les têtes de tout le monde. Hervé Levers, hein, ça ne pose pas de problème. Non, ça ne pose pas de problème. Si on prend Robespierre au début de la Révolution française, il est favorable au système politique tel qu'il s'élabore à certaines conditions, c'est-à-dire il voudrait élargir les conditions du suffrage, mais pour lui, avoir un roi à la tête de la France, c'est pas un problème, à condition que ce roi n'ait que le pouvoir exécutif. Parce que ce qui compte avant tout, c'est qui détient la souveraineté et qui exerce cette souveraineté. Et si on limite le roi au pouvoir exécutif, le roi ou un président, c'est exactement la même chose. Le roi, ça a même un avantage sur le président, c'est la stabilité. Et c'est peut-être l'absence d'ambition à élargir son pouvoir. En tout cas, ce qu'il craint en 1791, en cas de république, c'est qu'un homme comme Lafayette, par exemple, se place à la tête de l'État, ce qui serait, selon lui, plus dangereux que le roi tel qu'il est. Et pour définir le régime politique tel qu'il a été établi par cette constitution, Robespierre précise que c'est une république avec un monarque à la tête de l'État. Voilà. D'accord. Mais là, on est dans une vision de la République qui est celle du XVIIIe siècle. Les hommes du XVIIIe, à commencer par Montesquieu, par exemple, présentent l'Angleterre comme une République avec une façade monarchique. Mais pour eux, c'est une République. La Pologne, c'est aussi une République, simplement parce que la population participe à la prise de décisions politiques et notamment à l'élaboration de la loi. Anne de Matan. Oui, la grosse différence à ce moment-là, effectivement, c'est qu'en 1791, Brissot et Condorcet, eux, sont véritablement républicains. Et ils écrivent, par exemple, contre contre la monarchie, en affirmant par exemple, en posant la question, qu'est-ce que dans un gouvernement, un office qui ne demande ni expérience ni habileté, un office qu'on peut abandonner au hasard de la naissance, qui peut être rempli par un idiot, un fou, un méchant, par un sage, un tel office est évidemment un rien. Et Madame Roland, dans ses correspondances personnelles, effectivement, avance l'idée d'un président national, mais temporaire. Donc là, on a une vraie différence de conception de l'exécutif, avec néanmoins une conception de la citoyenneté qui se rejoint, puisque ces gens-là sont à ce moment-là, effectivement, également pour un suffrage universel. Et dans ces vifs débats, on vient d'entendre ce nom, Madame Roland, Dominique Godinot. Oui, ici encore, les femmes ont une place dans le discours. Et on sait bien que pour l'élection, elles ne seront pas la maison très importante dans la participation de la vie politique. Oui, bien sûr, dans le discours, dans l'action. Parmi les républicains, parmi, disons, les groupes qui demandent la République, il y a un club qui est très important, qui a joué un rôle fondamental à ce moment-là, qui est la société... Société fraternelle des patriotes des deux sexes défendeurs de la Constitution. Bravo. Qui, comme voilà, j'ai pris mon souffle avant. Comme leur nom l'indique, Société fraternelle des patriotes des deux sexes, c'est une société mixte. Il n'y en a pas beaucoup. Et cette société, donc, est formée d'hommes et de femmes, et a rédigé une des nombreuses pétitions, etc. Et puis les femmes sont présentes, par exemple, au Champ de Mars pour signer la pétition. Hein. On en connaît, hein, certaines qui expliquent comment elles ont essuyer le feu hein, de la garde nationale. Comment rentrer après chez elles le soir, elles se sont prises à partie avec les gardes nationales parce qu'ils avaient tiré sur leurs frères, hein, sur le peuple. Et puis, elles écrivent aussi dans les journaux des textes. Elles ont moins de place, si vous voulez, mais la place, elles la prennent. C'est-à-dire, elles la prennent et elles défendent leurs idées et des idées qui sont comme celles... enfin. Varié, évidemment, hein, mais comme ça a été dit, une montée du républicanisme, hein, avec voilà cette demande de république à ce moment-là. Avec aussi des échanges d'idées, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire genrée au sens « il n'y aurait que des femmes qui soutiendraient le droit des femmes », bien au contraire, il y a des hommes aussi, on l'a déjà cité, Condorcet. Oui. L'habitude peut familiariser les hommes avec la violation de leurs droits naturels. Quelques-unes de ces violations ont échappé aux philosophes et aux législateurs lorsqu'ils s'occupaient d'établir les droits des individus de l'espèce humaine. N'ont-ils pas violé le principe de l'égalité des droits en privant tranquillement la moitié du genre humain de celui de concourir à la formation des lois en excluant les femmes du droit de cité ? Est-il une plus forte preuve du pouvoir de l'habitude que d'invoquer l'égalité des droits en faveur de 300 ou 400 hommes qu'un préjugé absurde en avait privé et de l'oublier à l'égard de 12 millions de femmes ? Pour que cette exclusion ne fût pas un acte de tyrannie, il faudrait prouver que les droits des femmes ne sont pas les mêmes que ceux des hommes ou qu'elles ne sont pas capables de les exercer. Or, les droits des hommes résultent de ce qu'ils sont des êtres sensibles, susceptibles d'acquérir des idées morales et de raisonner sur ces idées. Ainsi, les femmes ayant ces mêmes qualités ont nécessairement des droits égaux. Ou aucun individu de l'espèce humaine n'a de véritables droits, ou tous sont les mêmes. Maïwenn Guizhou dans le cours de l'histoire sur France Culture qui nous lisait cet extrait d'un texte de Condorcet de 1790 sur l'admission des femmes aux droits de cité. Dominique Godineau, ici vraiment, nous avons... un très bel exemple hein, de la vivacité et de la hauteur des réflexions de ce moment-là. Enfin, ça a une portée philosophique très forte. Ben, c'est-à-dire que Condorcet, et comme d'autres, hein, tous ceux, et celles, mais sont tous, c'est beaucoup parce qu'ils sont très peu nombreux, mais qui considèrent que les femmes devraient pouvoir exercer leurs droits politiques. Parce qu'il faut bien comprendre que pendant la Révolution, et ça renvoie à ce qu'on a entendu du texte de Condorcet, l'idée est que, si vous voulez... tout individu possède des droits naturels, c'est ce que disait très bien Condorcet, par sa nature d'être humain. À partir du moment... alors, ces droits, ils vous appartiennent par nature, et on ne peut pas vous les enlever. On peut vous empêcher de les exercer, hein, ce qui se passe dans la société. Tous ceux qui sont exclus du vote n'ont pas la possibilité d'exercer leurs droits naturels, mais ça reste leur droit. Et voilà. Et c'est ça qu'exprime très bien Condorcet. Et là, alors Condorcet l'exprime évidemment en tant que philosophe. Enfin bon, c'est un philosophe, Condorcet, c'est un, on va dire, un intellectuel. Mais cette idée, elle est quand même très répandue. Où elle se répand pendant la Révolution. Elle n'est peut-être pas répandue en 89, hein, mais bon, elle se répand au fur et à mesure. Et ainsi, ceux et celles qui assurent que les femmes devraient pouvoir exercer leurs droits politiques, disons, pour faire court aux députés, rendez-nous nos droits. Nous devons avoir, comme vous, le droit de voter. Elles sont très peu nombreuses, hein, ils sont très peu nombreux. Mais nous devrions avoir le droit de voter parce que c'est notre droit, c'est un droit naturel. Donc maintenant, appliquez la déclaration des droits. Voilà. Vous voyez, c'est pas donnez-nous un autre droit, faites que nous soyons... non, c'est rendez-nous l'exercice d'un droit qui nous appartient. Ouais. C'est en ces termes-là que la question du droit de vote a été posée. Elle a été posée par Condorcet, elle a été posée par d'autres. Hein. Condorcet, c'est le premier. Et c'est un texte fort, hein, c'est un texte théorique. Elle a été posée, comme on le sait ensuite, par Olympe de Gouges. Alors, Olympe de Gouges, elle ne demande jamais exactement le droit de vote. Mais elle dit, tout citoyen ou citoyenne a le droit de participer à l'élaboration de la loi à laquelle il obéit. Comment participer à l'élaboration de la loi? En élisant, alors directement, ou le plus souvent, en élisant ceux qui vont élaborer cette loi, c'est-à-dire en élisant les députés. Donc voilà, dire ça, c'est demander le droit de vote. C'est très clair. Et puis le droit d'éligibilité aussi. Et puis d'autres ensuite aussi le mettre en avant, si vous voulez, les mêmes arguments. C'est-à-dire, par exemple, en 1793, des femmes assurent la Constitution repose sur les droits de l'homme. Appliquez ce que vous avez vous-même voté. Et donc, donnez-nous les droits de... Alors, des femmes, je répète, elles ne sont pas très nombreuses. Il y a quelques hommes avec, on peut citer aussi... je sais pas si on peut sauter un peu dans le temps. Allez-y. En 1793, vous avez une nouvelle constitution, puisque justement, à la suite de ce qu'on vient de dire, finalement, voilà, la République a été déclarée, donc une nouvelle constitution républicaine, et cette constitution a évidemment été discutée à l'Assemblée. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, à la différence de ce qui s'est passé lorsqu'on en a discuté de la Constitution de 91, lorsque l'on discute de la Constitution de 1793, eh bien, la question du vote des femmes, elle est abordée. Je ne veux pas dire qu'il y a des grands débats à l'Assemblée, pas du tout. Mais il y a des textes, des projets de Constitution, il y a 6 projets de Constitution, quand même, qui envisagent un droit de vote pour les femmes, pour des femmes. C'est-à-dire souvent, il est par exemple indiqué que pourront voter les veuves ou les femmes majeures célibataires parce qu'elles ne sont pas représentées par le vote de leur mari. Ou pourront voter, enfin bref. Oui, non, mais voilà, on voit bien, on a fait ce petit saut dans le temps, on est en 1793. Je vous remercie, hein, Dominique Godino, d'avoir fait le saut dans le temps parce que ça nous permet de lire le Moniteur universel, précisément le numéro du 31 octobre 1793. Les femmes doivent-elles exercer des droits politiques et s'immiscer dans les affaires du gouvernement ? Gouverner, c'est régir la chose publique par des lois dont la confection exige des connaissances étendues, une application et un dévouement sans bornes, une impassibilité sévère et l'abnégation de soi-même. Gouverner, c'est diriger et rectifier sans cesse l'action des autorités constituées. Les femmes sont-elles susceptibles de ces soins et des qualités qu'ils exigent ? On peut répondre en général que non. Bien peu d'exemples démentiraient ce jugement. Les droits politiques du citoyen sont de discuter et de faire prendre des résolutions relatives à l'intérêt de l'État par des délibérations comparées et de résister à l'oppression. Les femmes ont-elles la force morale et physique qui exige l'exercice de ces droits ? L'opinion universelle repousse cette idée. Nous croyons donc qu'une femme ne doit pas sortir de sa famille pour s'immiscer dans les affaires du gouvernement. Nous croyons donc qu'il n'est pas possible que les femmes exercent des droits politiques. Thomas Beau qui nous disait, alors cet extrait d'un compte-rendu de débat dans le Moniteur universel, nous étions donc en octobre 1793. C'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure de la rapidité des événements et de cette chronologie révolutionnaire, mais les débats sont là. On était en 1791 avec ces législatives 1793. C'est à la fois le même monde, mais c'est aussi un autre monde. Hein. La monarchie a disparu et c'est la République. Mais ça, pour les femmes, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Bah, c'est un autre... En fait, oui et non. Parce que vous voyez, ce discours, ce qu'on a entendu là, c'est la retranscription d'un discours du député Amar. Et c'est la seule fois où à l'Assemblée, quel que soit le nom de cette Assemblée, là c'est la Convention, et examiner la question ouvertement, est-ce que les femmes pourront ou non posséder les droits politiques. Pourquoi est-ce que c'est examiné à ce moment-là ? Parce que depuis plusieurs mois, alors je ne vais pas dire qu'il y a un mouvement ou une vague, hein, ça serait beaucoup trop fort, mais il y a des interrogations sur justement cette question-là. Sur le fait que les femmes, peut-être sans exercer complètement les droits politiques tout de suite, au moins pourraient avoir une autre place dans la République. Une République qui se veut en plus égalitaire, qui met en avant la notion d'égalité. Et vraiment, c'est, vous voyez, quand vous dites ça n'a pas changé, oui et non, je réponds. Parce que dans les faits, peut-être ça n'a pas changé, mais dans les questions, c'est la seule fois où la question est posée. Et pourquoi elle est posée à ce moment-là ? Parce que justement, il y a, comme je le disais, des revendications auxquelles il faut mettre un terme. Parce que en 1793, on est dans une période assez radicale, la Révolution a changé beaucoup de choses, mais pas ça. Mais si on, je répète, hein, c'est un retour de bâton, c'est bien, si on dit à ce moment-là, non, les femmes ne posséderont pas les droits politiques, c'est parce qu'il y avait une demande. Quelques jours avant ce discours, un policier entend dire dans les rues de Paris que, alors les malveillants bien sûr, hein, disent que les femmes devraient avoir le droit de voter, que c'est un droit naturel qu'elles devraient réclamer. Vous voyez, donc il y a quand même des choses qui ont bougé depuis 1791, à un moment où on n'en parlait pas du tout. 1791, ces élections législatives, elles se tiennent dans un contexte vraiment particulier, Hervé Levers, hein, vous nous l'avez dit, il y a eu la fuite à Varennes, il y a cette fusillade au mois de juillet sur le Champ de Mars, vous êtes l'auteur de cet ouvrage publié aux presses universitaires de France sur la Révolution, parce que cette Révolution-là, c'est la vivacité du débat qu'on évoque depuis tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est troublant quand on entend ces textes, on se dit « Ah, ça portait haut le débat politique ». Et puis, c'est le concret de l'élection. Ça se passe comment, une élection en 1791 ? C'est pas rien à organiser. Ça se passe difficilement parce que le contexte est un contexte troublé après la fusillade du Champ de Mars. Des journalistes, des imprimeurs, Brune, Momoro ont été arrêtés. Des hommes de premier plan comme Fréron, Camille Desmoulins, Danton sont sous le coup d'un arrêté de prise de corps. Ils ne peuvent donc pas participer aux assemblées électorales qui vont se réunir à ce moment-là, si bien qu'à Paris, un peu moins en province, mais à Paris en tout cas, la situation est tout à fait particulière. Donc on va réunir les assemblées à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre, et là, les électeurs vont pouvoir désigner, département par département, les représentants à l'Assemblée. Le nombre de députés par département a été fixé selon des critères assez complexes. Il y a un nombre de députés par département, c'est-à-dire par territoire, un nombre de députés par richesse des départements par rapport au montant de l'impôt direct. Donc il y a une répartition par rapport à la population aussi. Il y a une répartition de manière à ce que tout le territoire soit bien représenté parmi ces quelques 750 députés qui vont siéger à l'Assemblée législative. Et donc ça va se passer dans des assemblées électorales qui sont des votes en assemblée, c'est un vote individuel, mais dans le cadre d'une assemblée électorale. Donc vous avez plusieurs centaines de personnes qui se réunissent dans une église, dans un hôtel de ville, dans un collège, et pendant plusieurs jours, ils vont désigner ensemble les députés qui vont aller siéger à Paris. Là, on est à la fin de l'été 1791, fin août, début septembre. C'est une sacrée organisation, quand même. C'est une sacrée organisation. Alors, les électeurs ont plus de temps que les votants au premier degré. Et généralement, le taux de participation est plus élevé dans les assemblées électorales que dans les assemblées primaires qui se sont réunies au mois de juin, où la participation a été assez faible. Bon, on avait déjà les premiers travaux des champs, notamment les fenaisons, etc., qui retenaient les paysans. Il y avait aussi les tensions du moment qui, sans doute, décourageaient. Peut-être aussi le serment qui était demandé aux votants qui posait problème à certains, notamment ceux qui n'acceptaient pas l'évolution de l'Église dans le cadre de la Constitution civile du clergé qui avait été adoptée en 1790. Donc le taux de participation était très faible, environ 25-30% à peu près au niveau national. Mais dans les assemblées électorales, là, la mobilisation est beaucoup plus forte et les élections vont se passer assez calmement, si ce n'est bon, le problème que j'évoquais notamment pour Paris, c'est-à-dire ces personnes qui étaient électeurs et qui n'ont pas participé aux élections, alors que c'était des hommes de premier plan qui auraient pu peut-être siéger dès l'Assemblée législative. Ça se passe comment aussi par rapport à l'isoloir, à l'urne, au bulletin, à tout ça? Alors, des registres Pas d'isoloir, pas d'urne à proprement parler. Dans les procès-verbaux, on parle d'un vase ou d'une boîte où l'on dépose les suffrages. Alors ça se passe, c'est assez long à mettre en place. Vous avez d'abord un bureau provisoire où siègent les plus anciens. Vous avez ensuite un bureau qui est élu avec un président, un secrétaire, des scrutateurs. Et ensuite on passe aux élections. Ce sont des élections à trois tours. Le premier tour, on voit les noms qui sortent. Il faut une majorité absolue pour l'emporter. Deuxième tour, on voit les noms qui sortent et généralement ça se concentre déjà sur quelques candidats. Et s'il y a un troisième tour, on prend les deux candidats les mieux placés et on choisit à ce moment-là le candidat qui doit siéger à l'Assemblée. Et c'est un scrutin qui se déroule siège par siège, donc on va élire un à un les différents députés du département, puis on va élire un à un les différents suppléants. Ça prend des jours, et il faut avoir une véritable abnégation pour être électeur à cette époque-là. Anne de Maton. C'est donc un scrutin d'assemblée. Ce n'est pas le scrutin ne se déroule pas en un jour comme aujourd'hui où on glisse son bulletin dans l'urne. Hein, ça prend selon les endroits, selon la taille du corps électoral et selon le nombre de députés à élire, ça peut prendre une semaine voire plus. Hein. Donc c'est un processus qui est sélectif en termes de temps. Et qui explique partiellement peut-être l'assez faible mobilisation. Et puis, il faut rappeler aussi que nous sommes dans un contexte où, même si les informations circulent à une vitesse qui nous sidère, bah, le temps de remonter tout ça, ça met encore du temps. Dominique Godinot, sur ce moment électoral, c'est vrai qu'ici, on a, avec un suffrage qui exclut quand même beaucoup, beaucoup de gens, et notamment les femmes, peut-être un regard qui est porté d'une manière critique sur ce qui est en train de se passer avec ces assemblées qui élisent d'autres qui vont arriver à l'assemblée à la fin nationale. Ben oui, c'est l'élection à plusieurs degrés. Hein. C'est ça que vous. Oui, oui, non, mais la critique même de ce moment 1791 et de l'élection, comme quoi elle est pas vraiment représentative de la population avec tellement de gens exclus. Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît ça dans les textes? Non, pas tant que ça. Comment dire, il y a eu des débats très très vifs, hein, comme je le dis, non pas sur l'élection des femmes, mais sur l'exclusion d'une grande partie de la population. C'est pas comme la majorité de la population masculine hein, qui est exclue le suffrage, enfin au niveau primaire, hein, parce qu'il y a ce problème des élections à plusieurs degrés. Voilà. Après, les élections, enfin, font partie. C'est un moment important de la vie politique, bien sûr. Mais si vous voulez, ça n'est pas un moment quand même. C'est pas le seul moment. Oui. Hein. Donc ça n'a pas la portée que ça peut avoir aujourd'hui. Pour beaucoup, le droit de vote, c'est important d'avoir le droit de vote, bien sûr. D'abord, c'est un droit qui est inhérent à la citoyenneté. Donc c'est pas rien. Hein. Mais c'est pas le seul non plus. Hein. Tout ce qui se passe dans les clubs, etc. De même que par exemple les élections dans les assemblées primaires sont souvent très très mouvementées parce que c'est ce qui se passe. Les assemblées primaires, c'est ce qui se passe localement, à celle où il y a le plus entre guillemets de monde. Tout ça, il n'y a pas vraiment de. Enfin, il y a des critiques hein, du mode de scrutin. Non, c'est pas tellement le mode de scrutin. Oui, du mode de scrutin parce que ça. Mais de que ça rend non citoyen ou citoyen passif un certain nombre d'individus. Mais c'est surtout que la politique est partout. Hein, et c'est vrai que oui. La presse, les clubs, oui. Le quotidien, il y a de la politique. Est-ce qu'on peut dire qu'au soir des résultats, en 1791, il aurait été possible de présenter, comme aujourd'hui, l'hémicycle avec les couleurs, là, vous savez, le rouge, le bleu. Est-ce que ces groupes peuvent être identifiés? Les notions de droite et de gauche naissent à la Révolution française. Oui, l'idée d'une proclamation des résultats est complètement impossible pour 1791, ne serait-ce que parce que les étiquettes sont extrêmement fluctuantes, la notion de parti n'existe pas, ou peu, hein, on peut penser à des mouvances, des sensibilités, mais les gens ne se disent pas « je suis de droite » ou « je suis de gauche », c'est une notion qui est encore en construction, hein, donc, et puis ça supposerait une organisation matérielle qui n'est pas du tout existante au soir de l'élection de 91. Oui, ce qui ressort des élections, et ce qui apparaît en tout cas dans les discours après la composition de l'Assemblée législative, c'est que le courant démocrate, notamment, a confiance au début dans cette nouvelle Assemblée. D'abord parce que le nombre de nobles s'est totalement effondré par rapport à cette Assemblée constituante qui n'était que les États généraux transformés. Ensuite, parce que ce sont en grande partie des personnes qui ont une expérience des clubs, notamment des clubs, des sociétés, des amis de la Constitution, les fameux clubs jacobins, qui ont été élus un peu partout en France, et ils ont l'impression d'avoir sous les yeux une assemblée patriote, comme on dit à l'époque, et une assemblée qui pourrait faire vivre les principes qui sont nés de la Révolution de 1789. Et au départ, il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir, mais les divisions vont naître très rapidement. Oui, et puis il y a toujours la place du roi, hein. Le roi à ce moment-là, roi des Français, c'est Louis XVI. On sait, il y a des témoignages sur comment il a pu vivre ce moment-là. Il a voté d'ailleurs, je ne sais même pas. C'est pas ce fonctionnaire public appelé roi, c'est une des formules les plus qu'on retrouve assez fréquemment dans les textes, dans les pétitions. Oui, bah oui, voilà, ce fonctionnaire public a appelé roi. Ce moment révolutionnaire de 1791, on sait bien, suit le mouvement de la Révolution. Un an plus tard, c'est la chute de la monarchie. Ça, c'est resté dans les mémoires, ce vote 1791 comme une référence, ou alors c'est l'emballement des événements qui a effacé ces élections législatives. Les élections, on en avait déjà vécu beaucoup auparavant. La première élection qui a peut-être le plus marqué les hommes au début de la Révolution, ce sont les élections municipales entre janvier et mars 1790. Parce que c'était les premières élections qui, dans l'ensemble du pays, au même moment, permettaient aux Français d'élire leur corps municipal. Dans les villes, comme dans les campagnes, avec à chaque fois un maire et des officiers municipaux à la tête de la commune. Et ça, c'était véritablement quelque chose de neuf. Et ça a été la première expérience avec un taux de participation assez élevé comparé à ceux qui allaient suivre, mais enfin, assez élevé, c'est relatif, hein. Paris, c'est 18% de participation, mais à Strasbourg, on a plus de 70, donc c'est très variable, mais par rapport à la suite, il y a eu une véritable mobilisation, il y a un véritable espoir dans cette première, dans ce premier moment électoral. Dominique Godinot. Oui, on sait, alors, lors de ces élections là, des années, enfin, de 1790, il y a quelques femmes qui ont voté. Parce que vous voyez, les élections, par exemple, elles pouvaient avoir lieu dans l'église, puisqu'on parle des choses concrètes, hein, là où se tenait l'assemblée villageoise. Donc il y avait déjà des... Enfin, dans les assemblées villageoises antérieures, les femmes pouvaient participer, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc on sait, alors c'est pas un vote des femmes, hein, mais quelques femmes, parce que ben justement, tout n'est pas encore mis en place. On est encore un peu entre l'ancien et les nouvelles règles. Donc, dans certains procès-verbaux, on sait qu'il y a des femmes qui ont participé à ces assemblées primaires. Et puis, alors là, c'est encore, je peux faire un petit saut dans le temps, rapide. Le vote en assemblée, tel qu'il a été décrit, a pu permettre aussi, en 1793, à des femmes de voter. Alors, non pas pour élire les représentants, mais pour accepter la Constitution de 1793 qui était mise à référendum. Et donc, comme ça se fait par vote en assemblée, eh bien, à la fin de l'Assemblée des hommes, ou alors dans leur club, ou dans des réunions particulières, elles votent leur acceptation de la Constitution. Ça veut dire, la Constitution, même si elles sont privées du droit précieux de donner leur suffrage, néanmoins, elles sont membres du souverain. Elles aussi, elles acceptent la Constitution. Et ce qui est très important, elles font part de ces votes à la Convention. C'est-à-dire, vous voyez, elles se réapproprient un droit qu'elles ne peuvent pas exercer. Et il faut attendre vraiment l'après-Seconde Guerre mondiale, de faire de la France pour qu'elle vote. Mais là, elles ont voté. Mais là, en 93, elles ont voté. 93. Merci beaucoup à vous trois. Merci Hervé Levers, la Révolution française aux presses universitaires de France. Merci Dominique Godinot, les femmes dans la France moderne. Merci Anne de Matan avec tous vos travaux, les Girondins jusqu'au tombeau. Merci beaucoup à tous les trois. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Anna Holweck, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Toscane Viudès, Mathieu Copal et Mayouen Guizou.